أن محمد رسول الله. هيا للصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا للصلاة. هيا للفلاح. هيا للفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وتعلموا من العلم ما تعرفون به ربكم، ويستقيم به دينكم، وتستنير به قلوبكم، وتصلح به دنياكم وآخرتكم، لأن العلم نور يخرج من الظلمات، وتزول به الشبهات، وتستقيم به الأعمال، فإن العمل بلا علم ضلال ووبال. Serviteur d'Allah, craignez Allah et apprenez de la science ce par lequel vous serez capable de connaître votre Seigneur et par laquelle vous serez capable de pratiquer votre religion avec droiture, et par laquelle vous serez capable d'éliminer vos cœurs, et vous serez capable de corriger les affaires de votre vie d'ici-bas et les affaires de l'au-delà. Car la science est une lumière par laquelle on élimine les ténèbres, et par laquelle on enlève les shubuhat, c'est-à-dire les ambiguïtés et les doutes, et par laquelle on peut corriger et faire en sorte que nos œuvres soient droites, et par laquelle également on est capable d'appliquer notre adoration. Parce que l'action ou les actes d'adoration sans science, c'est équivalent à de l'égarement. وَمِنْ فَضَائِلِ الْعِلْمِ أَعْظَمُهَا مَعْرِفَةُ الرَّبِّ وَمَعْرِفَةُ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَمِنْهَا أَنَّ الْعِلْمِ طَرِيقٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى جَنَّتِهِ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يعمل ورضا بما يطلب لأن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي الدرداء. Sachez, serviteur d'Allah, que parmi les plus grands mérites de la science, le plus grand d'entre tous ces mérites, c'est de connaître notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et de le connaître par ses noms et par ses attributs. Et parmi les mérites également de la science, c'est de connaître le chemin qui nous amène vers Allah subhanahu wa ta'ala, et de connaître le chemin qui nous amène vers son paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte un chemin dans lequel il recherche de la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera par celui-ci un chemin vers le paradis. Et les anges battent leurs ailes pour lui en signe de satisfaction pour ce qu'il fait, c'est-à-dire du fait qu'il recherche la science de l'islam. Et le savant, celui qui a la science de l'islam, yani toutes les créatures qui sont dans les cieux et sur la terre, demandent pardon pour lui. Même les poissons dans l'eau invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour que celui-là soit pardonné. Et pour montrer la grandeur de la science et du savant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également que le mérite du savant sur l'adorateur, le simple adorateur qui adore Allah mais qui n'a pas cherché la science, eh bien c'est comme le mérite de la lune lorsqu'elle est pleine par rapport aux étoiles qui sont dans le ciel. Hein? Et les ulama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les ulama, les savants de l'islam sont les héritiers des prophètes. Et bien entendu, les prophètes ne laissent pas de l'argent en héritage. Leur héritage, ce n'est pas de l'argent, des dinars ou des dirhams. Mais leur héritage, c'est la science qu'ils ont laissée. Alors, celui qui a pris une part de cet héritage, il a pris la chose la plus importante. Et ce hadith est rapporté par plusieurs rapporteurs, selon Abi Darda. وَفِيهِ الْحَثُ عَلَى السَّعِي فِي طَلَبِ الْعِلْمِ وذلك بالسفر إلى أهله حيث كانوا وبحفظه وكتابته وتدوينه فقد كان السلف يرحلون المسافات الطويلة لطلب حديث واحد فقد رحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى مصر للقاء رجل من الصحابة يروي عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ورحل جابر بن عبد الله الأنصاري كذلك وكان أحدهم يرحل إلى من دونه في العلم والفضل لطلب شيء من العلم عنده لم يبلغه وكفى بهذا ما قصه الله من خبر موسى عليه الصلاة والسلام ورحيله لطلب العلم مع من أعطاه الله من العلم واختصه من التكليم وكتب له في التوراة من كل شيء ولما أخبره الله عن خضر وأن عنده علما يختص به سأل السبيل إلى لقائه ورحل في طلبه كما قال تعالى إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. إذا également dans ce hadith, hein, le hadith qu'on vient de mentionner au sujet de la science et de la quête de la science, il y a l'incitation à voyager pour rechercher la science. Et le fait de voyager pour chercher la science auprès des hommes de science qui préservent cette science, hein, ceux qui l'écrivent et qui la mettent par écrit pour la préserver. Et il y a un exemple dans ça, dans l'exemple de nos pieux prédécesseurs, les salaf al-salih, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui sont venus après eux, qui faisaient de longs voyages pour chercher un seul hadith. Parfois, certains d'entre eux faisaient un voyage d'un mois pour aller chercher un seul hadith qu'il avait entendu ou qu'il voulait apprendre ou mémoriser. Et l'exemple de Abu Ayyub al-Ansari, qui est parti de Médine jusqu'en Égypte pour rencontrer un homme parmi les Sahaba qui rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne possédait pas. C'est-à-dire qu'il voulait avoir ce hadith, il est allé jusqu'en Égypte pour apprendre ce hadith. Et un autre exemple, c'est l'exemple de Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Hein? Il a fait également ce genre de voyage. Il est parti d'une ville à l'autre pour rechercher celui qui avait transmis un hadith pour pouvoir apprendre le hadith parce qu'il voulait l'entendre directement de celui qui le transmettait. Et il y a de grands exemples et de nombreux exemples de ce genre dans les livres de science des hommes de science qui expliquent ce principe. Et il y a également, dans ça, le signe que, et la preuve que c'est un grand mérite de voyager pour obtenir la science. Et c'est quelque chose que chacun d'entre nous, s'il en a la capacité et la possibilité, qu'il devrait essayer de faire. C'est-à-dire, aujourd'hui, si quelqu'un, par exemple, veut vraiment apprendre l'islam et étudier la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh bien, son obligation et son devoir dans ce cas-là, c'est de faire preuve d'effort pour aller chercher cette science auprès des hommes de science et des ulama de l'islam. Et il y a à notre époque de grandes universités islamiques qui ont été ouvertes dans les pays de l'islam, Et comme par exemple, il y a une grande université à Médine, à l'université de Médine, la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette grande université accueille chaque année, il y en a plus que 5000 élèves du monde entier. Hein? Et chacun de ces élèves qui étudient dans cette université ne débourse pas un sou pour apprendre et pour étudier. Au contraire, on les paye, hein, et on leur donne une bourse pour qu'ils puissent venir étudier la science de l'islam dans ces universités islamiques. Et ça, c'est une seule d'entre les universités, hein, parce qu'il y en a d'autres également. Il y a l'université à la Mecque, Umul Qura, et il y a l'université dans la ville de Riyad, il y a l'université dans d'autres villes aussi, où les gens peuvent aller pour étudier les sciences de l'islam. Et si quelqu'un n'est pas arabe, et qu'il ne connaît pas la langue arabe, il peut quand même partir, étudier, et on lui enseigne l'arabe avant qu'il puisse entrer dans les facultés de sciences islamiques. Et donc ça, c'est une grande opportunité à notre époque. Et dans ces pays-là, comme à la Mecque et à Médine, on retrouve de grands savants de l'islam de tous les pays du monde et de toutes les origines et de toutes les couleurs qui enseignent aux musulmans la science du hadith, la science du fiqh, la science de la aqidah, la science du tafsir, et n'importe qui peut aller dans les mosquées et s'asseoir avec les ulama pour étudier cette science et pour étudier l'islam. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous encourage et nous incite, hein, à aller chercher la science de l'islam. Et il y a l'exemple qui nous inspire par rapport à ça, c'est l'exemple du mérite de la quête de la science et de partir pour chercher la science de l'islam, dans l'exemple de Moussa alayhi salam. Lorsqu'il est parti pour apprendre auprès de Khidr, lorsqu'il a appris que quelqu'un possédait une science que lui ne connaissait pas, eh bien il est parti avec son valet et il est allé pour le retrouver et pour le chercher. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cet exemple dans le Coran, dans Surat Al-Kahf. Rappelle-toi lorsque Moïse dit à son valet, je ne vais pas arrêter avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, même si je dois marcher des années pour y arriver. C'est-à-dire, même si je dois marcher des années pour arriver à rencontrer cette personne, pour obtenir de la science que moi je ne possède pas, je vais marcher comme ça pendant des années. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا لَقِيَهُ قَالْ هَلْ هَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Puis-je te suivre à condition que tu m'apprennes, hein, des choses parmi les choses que tu as apprises pour m'orienter, pour me guider. فَلَوْ اسْتَغْنَا أَحَدٌ عَنِ الرَّحْلَةِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لَاسْتَغْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم قال تعالى وقل رب زدني علما فلم يسأل ربه الزيادة من شيء إلا من العلم. Et donc, si quelqu'un devait se passer de voyager pour rechercher la science, eh bien le premier qui se serait passé de cela serait Moussa alayhi salam, puisqu'il a reçu la Torah, puisqu'il a reçu la science et la révélation d'Allah. Il n'avait pas besoin d'autres sciences, hein. Il avait déjà toute la science nécessaire pour lui, mais il a voulu augmenter sa science, et donc il est parti en voyage pour chercher la science. Et on voit l'exemple également du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne de dire, ô mon Seigneur, augmente-moi en science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais demandé qu'on l'augmente en quoi que ce soit, excepté en science. Donc c'est pour nous montrer le mérite de la science. Et ensuite, également, وَمَهْمَا بَلَغَ الْإِنسَانِ مِنَ الْعِلْمِ فَهُنَاكَ مَنْ هُوَ فَوْقَهُ وَأَعْلَمُ مِنْهُ قَالَ تَعَالَى وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِي رَحِمَهُ اللَّهِ لَيْسَ عَالِمٌ إِلَّا فَوْقَهُ عَالِمٌ حتى ينتهي الى الله عز وجل. Et donc, peu importe le niveau de la science que quelqu'un peut obtenir, il y aura toujours quelqu'un de plus savant que lui, hein? Et comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, et au-dessus de toute personne savante, il y a un savant par-dessus lui. Et Al-Hasan al-Basri, qui fait partie des tabi'in, il a dit, il n'y a pas un savant excepté que par-dessus lui il y a un autre savant jusqu'à ce que cela arrête à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que le plus savant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et personne n'a plus de science qu'Allah, puisqu'il est l'omniscient. وفي حديث أبي الدرداء دليل على أن الجنة لا يوصل إليه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح فمن طلب الجنة بذلك فقد طلبها من أيسر الطرق وأسهلها ومن سلك طريقا يظنه طريقا إلى الجنة ولكن بغير علم فقد سلك أعصر الطرق وأشقها ولا يصل إلى مقصوده مع تحمله المشاق فلا طريق إلى معرفة الله والوصول إلى رضوانه والفوز بقربه ومجاورته في الآخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهو الدليل عليه وبه يهتدى في ظلمات الجهل والشبهات والشكوك وقد سمى الله كتابه نورا يهتدى به في الظلمات قال الله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم أي نعم dans le hadith d'Abu Darda qu'on a lu précédemment qui mentionne que Il n'y a pas d'autre chemin pour arriver au paradis qu'en cherchant la science, ou que c'est le chemin par lequel on peut le plus facilement obtenir le paradis. Il y a la preuve que si tu veux obtenir le paradis, et ça c'est l'objectif de chaque musulman, d'aller au paradis, eh bien il ne peut y aller qu'en acquérant la science bénéfique et qu'en appliquant les bonnes œuvres. Et celui qui cherche un chemin pour aller au paradis, il n'y a pas de chemin plus facile que en faisant la quête de la science. Tandis que celui qui emprunte un chemin et qui pense que c'est un chemin qui va l'amener au paradis, mais qu'il prend ce chemin sans science et qu'il ne fait pas la quête de la science, de l'islam, par ce chemin, eh bien, il a emprunté le chemin le plus difficile et le plus lourd et le plus dur. Et il n'arrivera pas à son objectif. Même s'il essaie de faire les choses les plus difficiles et les plus lourdes, parce qu'il n'a pas emprunté le bon chemin et la bonne voie. Donc il se fatigue pour rien. Et donc il n'y a pas d'autre voie pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir son agrément et pour obtenir le succès, pour être près de lui et pour arriver à obtenir l'au-delà, excepté en cherchant la science bénéfique. La science avec laquelle Allah a envoyé ses messagers et avec laquelle il a fait descendre ses livres. Parce que si tu n'as pas de science de la religion d'Allah, tu ne peux pas adorer Allah, tu ne peux pas le connaître, tu ne peux pas connaître Allah sans la science. Tu ne peux pas adorer Allah correctement sans la science. Et ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans la science, c'est-à-dire sans connaître le Coran, sans connaître la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils font des actes d'adoration, mais des actes d'adoration qui ne sont pas légiférés ou qui ne sont pas appliqués de la façon correcte. Et donc, ils se fatiguent pour rien, ils font des œuvres que Allah ne va pas accepter, et à la fin, ils vont être perdants dans l'au-delà. Et donc, la science de l'islam, c'est la voie et c'est la preuve qui indique, ce chemin qui nous indique quel est vraiment le chemin d'Allah. Tu ne pourras pas reconnaître le chemin d'Allah si tu n'as pas de science. Tu vas te confondre entre les différents chemins. Tu vas voir différentes voies et tu vas penser qu'elles sont des bonnes voies aussi. Et donc, dans les ténèbres, il n'y a pas de façon de reconnaître la vérité excepté par la science. Et donc, la science, c'est la lumière qui éclaire les ténèbres et qui éclaire les ambiguïtés et qui élimine les doutes et les ambiguïtés. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a appelé son livre, le Coran, il l'a appelé une lumière, Nouran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans plusieurs versets, et comme l'exemple, par exemple, lorsqu'il dit ce qui signifie, il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair. Allah guide par celui-ci celui qui le suit vers son agrément et vers les voies de la paix et les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et il les guide vers un droit chemin. Et dans le hadith également, et dans le hadith d'Abi Darda également, أن العلم الذي يمدح يمدح أهله ويسمون العلماء حقيقة هو العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل حيث قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. Donc dans le hadith d'Abu Darda il y a le fait que la science qui est glorifiée, c'est la science de l'islam, c'est la science de la charia. Et les gens qui sont glorifiés sont les gens qui portent la science de la charia. Ce sont eux les vrais savants, ce sont eux les vrais ulama. Ce sont ceux qui possèdent la science de la charia. La science qui est venue avec les prophètes et les messagers. Du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les héritiers des prophètes, donc pourquoi? Parce qu'ils ont hérité de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils n'ont pas donné en héritage ou laissé en héritage de l'argent, des dinars ou des dirhams, des pièces d'or ou des pièces d'argent, mais ce qu'ils ont laissé en héritage, c'est la science, hein? C'est la science qu'ils ont reçue, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلُّ مَدْحٍ وَثَنَاءٍ جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ للعلم والعلماء فالمراد به علماء الشرع المراد بهم يعني علماء الشرع الذي عندهم علم الأنبياء وحملته من المؤمنين العاملين به. Donc c'est ceux qui possèdent la science qui est venue des prophètes et qui la mettent en application, qui mettent cette science en application. Ce sont ceux-là qui sont glorifiés par Allah dans le Coran comme étant des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Shahid Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala ta'ala innama yakhsha allaha min ibadihi al-ulama. Wa qala hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa yaqul yarfa'i allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié les hommes de science et il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de lui-même, il dit qu'il a témoigné que rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Ensuite, il dit, et ainsi que les anges et les hommes de science, ceux qui portent la science et qui détiennent la science. Donc, il a témoigné de son unicité avec, et il a mis dans ce témoignage les anges ainsi que les hommes de science. Et ce sont seulement les hommes de science qui ont été placés dans ce témoignage avec lui et ses anges, c'est-à-dire ce sont uniquement les savants et personne d'autre parmi les êtres humains. Et ensuite, il mentionne un exemple dans un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce sont uniquement les savants parmi les serviteurs d'Allah qui le craignent réellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce qu'ils sont égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Ce sont uniquement les savants qui se souviennent, hein? Les gens qui réfléchissent. Et dans Surat Al-Mujadala, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru et qui détiennent la science. Il les élève en degrés. Hein? Donc c'est pour montrer le degré de ceux qui possèdent la science et qui aiment la science et qui étudient la science de l'islam. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل العلم الذي جاء به بالنجوم بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات. قال صلى الله عليه وسلم وإن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر فإذا طمست النجوم أوشك أن تضل أو شك أن تضل. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les hommes qui détiennent la science à des étoiles par lesquelles on s'éclaire dans la nuit, dans les ténèbres de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple des savants sur la terre, c'est comme les étoiles qui sont dans le ciel, par lesquelles on s'oriente dans les ténèbres de la terre et de la mer. Et lorsque les étoiles sont éteintes, eh bien, c'est un risque que vous soyez égaré. Et ça a été comparé comme un exemple dans les paroles des ulama de l'islam. Parce qu'ils ont dit وَالنُّجُومْ فِيهَا ثَلَاثُ فَوَائِدْ يُهْتَدَى بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ وَهِيَ زِينَةٌ لِلسَّمَاءِ وَهِيَ رُجُومٌ لِلشَّيَاطِينِ الَّذِينَ يَسْتَرْقُونَ السَّمَاءِ والعلماء في الأرض تجتمع فيهم هذه الثلاث الأوصاف الثلاثة بهم يهتدى في الظلمات وهم زينة للأرض وهم رجوم للشياطين الذين يخلطون الحق بالباطل ويدخلون في الدين ما ليس منه. C'est-à-dire que les étoiles ont trois utilités, ont trois bienfaits. C'est que par les étoiles, on peut se guider dans les ténèbres. Et elles sont un embellissement, une parure pour les cieux. Et également, c'est par celles-ci que les diables sont lapidés lorsqu'ils essaient de voler quelques informations dans le ciel. Eh bien, c'est la même chose pour les hommes de science. C'est-à-dire, c'est la même chose pour les ulama. Sur la terre, ils ont également, eux aussi, ces trois caractéristiques-là. C'est-à-dire qu'on peut se guider dans les ténèbres de l'égarement et de l'ignorance par l'aide des ulama, par leur science. Et également, c'est une parure pour la terre, parce qu'ils embellissent la terre de leur science et de leurs bonnes œuvres. Et aussi, ils lapident les diables, c'est-à-dire les gens qui mélangent la vérité et le faux, et qui font rentrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله فقد تبين أن ما دام العلم باقيا في الأرض فالناس في هدى وبالبقاء وببقاء العلم وبقاء حملته فإذا ذهب حملته وقع الناس في الضلال كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يذهب العلم بذهاب العلماء أو بقبض العلماء فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فتبين بهذا أن الذين يستحقون أن يسموا بالعلماء هم ورثة الشريعة لأن العلم الحقيقي هو العلم الذي جاءت به الرسل لقوله صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء. Tant qu'il y a de la science qui reste, les hommes seront bien guidés. Et par le fait que cette science reste, eh bien les hommes de science restent et les gens sont préservés de l'égarement. Comme c'est mentionné dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, yani il n'enlève pas la science en la retirant de la poitrine des hommes. Hein, il ne leur enlève pas la science comme ça. Mais il enlève la science aux hommes par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul savant, les gens prennent un ignorant à leur tête, ils leur posent des questions dans la religion, alors qu'ils n'ont pas de science, et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres avec eux. Et à notre époque, beaucoup de gens, malheureusement, s'imaginent ou pensent qu'on peut apprendre la science tout seul, qu'on peut s'asseoir devant son ordinateur avec la consultation des différents sites internet islamiques et apprendre la religion tout seul. Ou bien, ils pensent qu'ils peuvent apprendre la science islamique tout seul avec un livre. Et qu'ils s'assoient avec le livre et ils étudient, ils apprennent, ils mémorisent et ils pensent que c'est suffisant. Mais sans retourner aux hommes de science et étudier avec les savants, eh bien, quelqu'un ne pourra jamais vraiment profiter de la science. Parce qu'est-ce qu'il lit dans les livres? Peut-être qu'il ne le comprendra pas correctement. Il va le comprendre à sa propre façon. Et à cause de ça, il va s'égarer. Et c'est pour ça qu'on a besoin des savants. Et c'est la même chose pour les sciences de la dunya. Si quelqu'un veut devenir médecin ou chirurgien, il va étudier avec ceux qui ont étudié cette science et les professionnels et les professeurs et les docteurs de cette science. Sinon, si quelqu'un prend des livres de médecine chez lui et il essaie de devenir médecin ou chirurgien, il va s'égarer. Si après il prend quelqu'un, il le met sur une table, il essaie de lui faire une opération ou de lui faire une chirurgie, juste en se basant sur ce qu'il a appris dans les livres, il va faire des massacres. Il va tuer beaucoup de gens avec son ignorance. Et donc c'est l'importance de retourner aux hommes de science et aux ulama. Et également, en particulier dans les endroits et dans les pays où on est éloigné des terres de l'islam et des savants de l'islam. Si quelqu'un, par exemple, à partir d'ici, veut aller faire le Hajj ou la Umrah, il doit prendre un avion, minimum 12 heures de vol, pour arriver à l'endroit où il pourra faire sa Umrah ou son Hajj. Hein? Donc, on est loin des terres saintes. On est loin des pays de l'islam. Ça veut dire que si on veut on a des questions à poser sur la religion, ou sur les questions de la croyance, ou sur les questions de la foi, pour retourner aux hommes de science, à partir d'ici, c'est très difficile. Et c'est plus difficile. Et c'est pour ça que les gens de l'égarement, dans les endroits éloignés, profitent encore plus pour égarer les gens et pour les éloigner de la religion, puisqu'ils savent qu'il n'y a pas d'hommes de science qui vont les réfuter ou les corriger lorsqu'ils se trompent ou lorsqu'ils appellent les gens à de l'égarement. Et donc ils profitent de l'ignorance qui est propagée dans la société pour propager ces ignorances-là dans les mosquées et dans les centres et dans les endroits où les musulmans se réunissent. Et j'ai mentionné un exemple de ça dans la dernière khutba. Qu'est-ce qui se passe à Montréal et ailleurs, en Europe ou même aux États-Unis, chaque année, chaque 4 ans, ou chaque fois qu'il y a des élections, où on fait que des représentants des différents partis politiques pénètrent dans les mosquées, et on les met devant les gens dans la mosquée, et on leur demande de faire un discours ou de parler aux gens pour les inviter à voter pour un parti ou pour l'autre. Et après, qu'est-ce qu'ils font les gens parmi ces différents responsables de mosquées ou imams ou prêcheurs, et on le retrouve même maintenant sur Internet, c'est qu'ils essaient de déformer l'islam pour l'interpréter pour que ça soit en accord avec les principes et les idéologies que les koufars ont inventées, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement de la religion des prophètes. Est-ce que vous avez trouvé dans l'enseignement de Ibrahim, dans l'enseignement de Moussa, ou dans l'enseignement de Isa, ou dans l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quoi que ce soit qui a rapport avec les idéologies que les koufars enseignent aujourd'hui? Ou bien quand on étudie les enseignements des prophètes, en commençant par l'unicité d'Allah et en commençant par tous les autres aspects de la religion, est-ce que vous trouvez dans ces enseignements-là qu'est-ce qui est en accord avec qu'est-ce que les koufars aujourd'hui prêchent et enseignent, que ce soit comme idéologie politique ou économique? Et donc, si on n'a pas de science de l'islam et de la connaissance des fondements de la religion, quelqu'un peut facilement nous mélanger. Quelqu'un peut facilement nous faire croire à n'importe quoi. Et après, vous les entendez qui viennent et qui disent « La Shura dans l'islam, c'est la même chose que la démocratie. » Et la Shura, c'est une chose, et la démocratie, c'est une chose complètement différente. Mais ils jouent avec les mots, et ils jouent avec l'ignorance des gens, et ils interprètent des choses en essayant de faire croire aux gens que ça fait partie de l'islam, alors que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, Inch'Allah, peut-être dans une autre khutba, on aura l'occasion de rentrer dans les détails de ces choses-là et d'expliquer les différences qui existent réellement entre les enseignements de l'islam et qu'est-ce que ces gens-là appellent, hein, des choses auxquelles ces gens-là appellent pour prouver, hein, et réfuter les ambiguïtés de ce que ces gens-là enseignent aux gens par ignorance. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Juste avant de terminer, juste pour mentionner que à la mosquée ici, on a commencé déjà des programmes de cours islamiques pour enseigner les différentes sciences de l'islam en arabe et en français. Et on avait un programme, on l'avait écrit, mais quand on a changé l'heure, on a changé les heures, donc on l'a un peu remis à date. On va le remettre à jour, Inch'Allah, peut-être dans environ un mois, parce qu'on va faire l'agrandissement de la mosquée à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc,